Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Michel Tremblay nous raconte l'aventure des belles-sœurs. Le joual reste une langue d'ici, de chez nous, de nous autres. Bien évidemment qu'on n'écrira jamais des traités de philosophie en joual, mais pour exprimer certaines réalités premières de certains, je pense qu'il faut le faire en joual. C'est malhonnête de le faire autrement, parce que moi, il n'y a rien que je trouve plus outrageant que de voir sur une scène un plombier dire « toi et moi » dans une pièce canadienne, et même dans une pièce pas canadienne. Le metteur en scène, André Brassard, qui explique pourquoi Michel Tremblay a décidé d'écrire Les Belles-Sœurs en joual et pourquoi lui-même a décidé de monter cette pièce et de se battre même pour que cette pièce soit montée et présentée sur une scène. Extrait de l'émission Aujourd'hui, du 7 mars 1968, quelques jours seulement après la présentation de la pièce en lecture publique au Centre d'essai des auteurs dramatiques de Montréal. La pièce de Michel Tremblay, qui deviendra un classique de notre théâtre, prendra l'affiche au Théâtre du Rideau Vert quelques mois plus tard, le 28 août 1968. Et si le choix du joual en choque certains à l'époque, il fait pourtant partie de la genèse de la pièce. On peut même dire que Les Belles-Sœurs sont nées de cette volonté de Michel Tremblay d'écrire une pièce mettant en scène des personnages issus d'un milieu populaire et parlant la langue de ce milieu populaire sur scène. Ces belles-sœurs, qui sont-elles? Ces belles-sœurs sont 15 bonnes femmes du peuple. 15 bonnes femmes qui représentent cette société populaire, cette classe populaire qui se taise depuis 200 ans, qui peuvent enfin parler. Michel Tremblay les a fait parler, leur a fait dire ce qu'elles avaient à dire. Elles en ont beaucoup, elles se défoulent. Elles sont extraordinaires parce qu'elles sont vrai, et je pense que ces belles-sœurs, on peut les retrouver dans tous les pays du monde. Sur la musique de l'adaptation musicale des Belles-Sœurs, écrite il y a quelques années par Daniel Bélanger, vous entendiez la metteur en scène et comédienne Denise Filiatro, qui a fait partie de la première distribution des Belles-Sœurs en 1968. Vous l'entendiez dans un extrait présenté à la radio française en 1973, au moment où les Belles-Sœurs étaient présentées à Paris. Pour nous raconter cette formidable aventure des Belles-Sœurs, je reçois son auteur, Michel Tremblay. Michel Tremblay, bonjour. Bonjour. Commençons par le joual d'abord. Je le disais, les Belles-Sœurs existent parce que vous vouliez utiliser le joual. Racontez-nous un peu comment elles naissent, ces belles-sœurs-là. Bien, ça, je l'ai beaucoup raconté, mais Brassard et moi, André Brassard et moi, on avait vu un film québécois, un après-midi doux, 1965, et on avait détesté le film, puis on ne comprenait pas pourquoi. On était allé dans un café au célèbre Select, à côté du cinéma Saint-Denis, puis on se posait la question, et on s'est rendu compte, il y a une expression des Américains que j'aime beaucoup, quand c'est un Anglais qui est ni d'Angleterre ni des États-Unis, il dit c'est un Mid-Atlantic English. Ouais. Alors on s'est rendu compte que ce film-là était en Mid-Atlantic French, c'était dans un français de la moitié de l'Atlantique où personne n'habite. Donc c'est un français qui ne s'adressait à personne. Ouais. C'est un film qui s'adressait à personne parce que nous, on ne pouvait pas s'identifier parce qu'ils ne parlaient pas comme nous. Puis en France, c'est une espèce d'abattardissement de la langue française qui ne les aurait pas intéressés non plus. Puis j'ai dit à Brassard, ben j'aurais envie. Pourquoi j'essaierais pas d'écrire une petite scénette, un petit 10 minutes, sur deux vieilles dames qui sortent du salon mortuaire, disons, là, ouais, pour voir ce que ça donne. Et je me sentais aucunement, avant ce jour-là, je me sentais pas le besoin d'utiliser le joual du tout. J'écrivais des contes fantastiques, des romans fantastiques qui se passaient partout dans le monde, sauf au Québec. Et en pensant à la pièce, au bout de 2 ou 3 jours, au lieu d'avoir 2 personnages, j'en avais 15. Puis le besoin m'est venu pendant que j'écrivais Les Belles-Sœurs. Ouais. En commençant la première scène, je me suis rendu compte que, mon Dieu, que c'était merveilleux d'utiliser cette langue-là directement, sans me censurer aucunement. Vous vous êtes fait prendre à votre jeu vous-même. Vous avez dit beaucoup aussi, en parlant de la naissance des belles-sœurs, que vous en rendez même plus compte. Vous écrivez en joual, c'est comme ça que ces femmes-là doivent parler. Pourquoi c'est important de donner la parole à ces femmes-là? Bien, aux femmes en général, parce que je m'étais rendu compte que dans le théâtre nord-américain, en général, les Québécois en particulier, les femmes étaient souvent, pour pas dire toujours, des personnages secondaires et comiques. C'était jamais... Quand Florence de Marcel Dubé, par exemple, quand c'était l'héroïne, on sentait l'auteur derrière. C'était la porte-parole de l'auteur qui se révoltait, puis bon, tout ça. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'évacuer les hommes complètement et donner... de laisser ces femmes-là dire tout ce qu'elles avaient, tout ce qu'elles ont accumulé depuis des centaines d'années. Et en le faisant aussi, j'ai eu ce fun-là, j'ai eu ce plaisir-là de... J'ai été élevé par des femmes. Mm-hmm. Je suis venu au monde pendant la guerre. Il n'y avait presque pas d'hommes. Il n'y en avait pas beaucoup dans la maison. Il y en avait deux. Et les autres, c'était des femmes. Et la première critique que j'ai entendue de la société me venait des femmes. Ouais. Alors, j'ai sans doute épousé leur cause, sans m'en rendre compte. Ouais. Et quand est venu le temps d'exprimer des choses sérieuses qui me concernaient en joual, alors que j'écrivais du fantastique avant, tout à coup, j'ai eu besoin de mettre ces 15 femmes-là, non pas enceintes, mais en scène, et de les faire parler. Et c'était ça, puis on y arrive tout de suite avec le prochain extrait, c'était une petite révolution d'utiliser le joual de cette manière-là sur scène à l'époque, de donner la parole à ces femmes d'un milieu populaire, du milieu ouvrier à l'époque. C'est le 4 mars, vous écrivez ça en 65, les Belles-Sœurs. Ouais. C'est 3 ans plus tard seulement, le 4 mars 68, que sont présentées les Belles-Sœurs pour la première fois publiquement dans le cadre d'une lecture publique au Centre d'essai des auteurs dramatiques de Montréal. Une maudite vie plate! Lundi. Me lève, je prépare le déjeuner. Des toasts, du café, du bacon, des œufs. Ta misère, combien de gars va réveiller mon monde? Les enfants partent pour l'école, mon mari s'en va travailler. Pas le mien, il est chômeur, il reste couché. Dans ce cas-là, avez-vous l'impression vraiment de jouer? C'est si réaliste que ça ou de vous abaisser un peu, je ne sais pas. Non, ni de s'abaisser. Bien sûr qu'on a eu l'impression de jouer parce que je ne pense pas personnellement être le personnage de Mme Ouellette que j'interprète, mais je connaissais bien ce personnage pour l'avoir vu autour de moi, beaucoup, beaucoup. Mais le fait d'employer tous ces lieux communs, on passe du salon funéraire à la petite fille qui est enceinte, tous les lieux communs que l'on connaît au Québec, ça n'est pas tombé dans la facilité, selon vous? Oui, mais je ne comprends pas pourquoi vous dites tomber dans la facilité, parce qu'on parle de salon mortuaire ou qu'on parle de la petite fille qui est enceinte. Bien sûr, il y a une façon d'en parler. Ce n'est pas la petite fille enceinte de tous ces films de troisième ordre mélodramatique et italien. C'est pas traité de cette façon-là. Les scènes du salon mortuaire ne sont pas traitées non plus en sketch de revue. Loin de là, ils sont très vrais. Il y a un côté très humain dans cette pièce, très, très humain. Et c'est ça qui plaît, je pense. Il y a un côté dramatique. Plus dramatique que comique, au fond. Oui, au fond. C'est très juste que vous dites plus dramatique que comique. Puis si on peut rire avec ça, ben tant mieux. Les comédiennes Denise Filiatro et Denise Proulx qui répondent aux questions du journaliste Bernard de Rome à l'émission aujourd'hui, le 7 mars, quelques jours après la lecture publique des Belles-Sœurs. Première fois qu'on entend vos mots sur une scène, Michel Tremblay. C'est fascinant, cet extrait-là, et c'est très révélateur. Ouais, les c'est questions... la chose la plus snob et la plus méprisante que j'ai jamais entendue. Je ne l'ai jamais pardonné à Bernard de Rome. Mais qu'est-ce qu'il traduit en posant cette question-là? Ce que la culture avec un grand K, comme on dit toujours, là, ce que la société québécoise de l'époque voulait que la culture soit, c'est-à-dire qu'elle vienne d'ailleurs, qu'elle soit propre et qu'elle... Le théâtre, c'était des belles manomènes avec des belles robes. Puis, ou quand M. Gélinas ou quand M. Dubé arrivait, c'était des succès populaires. Mais le théâtre du Nouveau Monde, à l'époque, a joué une pièce de Marcel Dubé dans toutes les premières 10-15 années de sa production. C'est incroyable. Parce qu'au-delà de la langue, au-delà du joual, il y a ça, bien sûr, qui en choque certains, mais... C'est un Québec, le Québec que vous montrez, que certains ne veulent pas voir. Oui, non, ça, absolument, ça me suit encore aujourd'hui. Mais pourquoi on ne veut pas voir ce Québec-là à ce moment-là? Bien, parce qu'on a été élevé à penser que le théâtre, ça venait d'ailleurs, puis que c'était beau, puis que c'était Shakespeare. Puis qu'on a honte même de s'il y avait est. Beaucoup de sang, c'était du sang qui se parlait en bel anglais ou en beau français. Ouais. Je ne sais pas. C'est quand on... C'est des gens qui ne veulent pas se voir, qui peuvent... Comme disait la noiselle... Dans la première production, ce monde-là, c'est du monde cheap. Il faut les cacher, il ne faut pas en parler. On l'écoute justement. Sur se croirait dans une basse-cour. Léopold m'avait dit de pas venir ici aussi. Je regrette assez d'être venue. Ces gens-là sont plus de notre monde. Quand on a connu la vie transatlantique, puis qu'on se trouve ici, c'est pas des farces. À Paris, là, tout le monde parle bien. C'est du vrai français partout, c'est pas comme ici. Oh, que je les méprise toutes. Je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Léopold avait raison, ce monde-là, c'est du monde cheap. Faut pas aller fréquenter. Faut même plus en perler pour les cacher. Ils savent pas vivre. Nous autres, on est sortis de là, hein? Puis on devrait plus jamais revenir. Oh, mon Dieu! Que j'ai donc honte d'eux autres! Extrait de la présentation. Bernard Doran était dans la pièce. Non, mais c'est exactement ce que j'allais vous dire. Ça, c'est un extrait de la présentation des Belles-Sœurs au Théâtre du Rideau-Vert en 68. Mais c'est un peu ça que j'allais vous dire. Vous saviez ce que vous faisiez. Vous avez choqué Bernard Doran ou d'autres. Non, je pense que je ne le savais pas. Vraiment? C'était une espèce de besoin. C'était très naïf. D'ailleurs, c'est pas une pièce qui a été écrite pour être jouée. Parce que si j'avais voulu écrire une pièce qui allait être joué, bon, dont j'espérais qu'elle se joue un jour, j'aurais fait une pièce à deux, trois personnages, j'en ai mis 15. Ouais. Je savais bien au départ, même si je n'étais pas professionnel à l'époque, je savais qu'une pièce avec 15 personnages et 15 femmes en plus, c'était à peu près impossible à monter. Donc, je l'ai écrite parce que j'en avais besoin, moi, dans une grande naïveté. C'est d'ailleurs la raison, probablement, pour laquelle il n'y a eu aucune censure, c'est que comme j'espérais pas l'envoyer au Nouveau Monde ou au Rideau Vert ou à Crète, comme je n'espérais pas l'avoir joué, je le faisais parce que j'en avais besoin, il n'y a pas eu aucune pudeur, aucune censure. Je l'ai fait au fil de la plume. Mais je lisais en préparant l'entrevue, vous dites à un moment donné, je ne voulais pas choquer. Choquer, c'est vain. Mais je voulais brasser, je voulais déranger. Oui, c'était une réaction. Souvent, les choses, disons, importantes, là, viennent d'une réaction. Le mai 68 de France, par exemple. C'est d'une génération ensemble qui a réagi. Être réactionnaire, c'est pas toujours négatif. Ouais. Il peut avoir des bonnes réactions. C'était une pièce en réaction à ce qui se faisait jusque-là, et c'était un essai. Je me disais, je vais essayer de prendre la langue telle qu'elle est, pour voir si c'est possible de la mettre sur une scène ou de la mettre dans une pièce. Mais vous aviez pas deviné que ça choquerait par la langue, par le milieu qu'on montre? Avec André Brassard, on s'en est douté quand André a commencé à distribuer les textes. Oui. Quand André a commencé à téléphoner à des actrices, ça a pris 3 ans avant de trouver. Les gens qui voulaient de la pièce, Hélène Loisel, son mari Lionel Villeneuve, qui avait le Théâtre de l'Escale à l'époque, Paul Buissonneau, 4 sous, Hélène Stevens, qui produisait Guilda à la Place des Arts, c'était des gens qui n'avaient pas les moyens. Le 4 sous était trop petit, l'escale était trop petit. Il y avait des gens qui étaient intéressés, mais qui n'avaient pas les moyens de le faire. Mais quand est venu le temps de le faire professionnellement, et même pour la lecture, je sais que pour le Rideau Vert, André a fait 75 appels. C'est incroyable. 75 actrices pour en tout faire 15. Donc là, vous avez eu un indice. Il y avait les mêmes réactions au téléphone que Bernard Doran avait eues à la lecture. Ouais. On écoute une autre réaction d'un critique cette fois, et critique à la presse, Martial Da Silva, avec qui vous croisez le fer, en quelque sorte, Michel Tremblay, extrait de l'émission « Des livres et des hommes » diffusée en septembre 1968. Moi, j'ai l'impression qu'il est difficile d'aller plus loin que l'a fait M. Tremblay dans le cas des Belles-Sœurs. Je pense que là, on a atteint la dernière extrémité en ce qui concerne le joual. Maintenant, à mon avis, évidemment, il a un gros talent dramatique, il a un très bon talent d'observation, et moi, j'ai l'impression qu'il a été tenté d'en mettre beaucoup plus que nécessaire. Personnellement, je pense qu'il aurait pu probablement en mettre beaucoup moins. Et ça aurait peut-être enlevé un petit peu de saveur, mais j'ai l'impression que ça aurait donné un peu plus d'universalité à sa pièce. Mais je ne tiens pas du tout à l'universalité. Les Belles-Sœurs, c'est Montréalais. Le Joual, c'est Montréalais. C'est dans Montréal. C'est vrai que c'était en dehors de Montréal, on ne parle pas le Joual. Mais je ne voulais pas écrire un chef-d'œuvre international. Je voulais l'écrire. Les femmes que j'ai connues, moi, un point, c'est tout. Elles parlent comme ça, c'est tout. Je veux pas me faire le gros héros du joual. Je veux pas propager le joual ni l'institutionnalité. Vous n'avez pas une arme de mission dans la presse il y a deux semaines, absolument pas. C'est moi, de toute façon, j'écris en français. J'ai publié un livre il y a deux ans qui était en français. Je vais en publier un d'ici quelques mois qui est en français. Je veux pas qu'on me prenne pour le gros porte-drapeau du joual. Au-delà du joual, parce qu'on en a parlé, ce qui est amusant dans cet extrait, Michel Tremblay, rétrospectivement, vous dites « j'ai aucune prétention d'être universel ». Qu'est-ce que ça aurait été si vous en aviez eu une? Parce que cette pièce-là va faire le tour du monde. Oui, mais toute proportion gardée, bien sûr. Là, je pense que quand Marcel Pagnol écrivait pour les Français. Oui. Quand Tennessee Williams écrivait ses pièces, il écrivait pour les Américains. Personne ne pense. Il y a juste les anciennes colonies. Il y a juste les auto-colonisés qui pensent à la mère patrie. La mère patrie, elle ne m'intéresse pas. Elle a écrit ce qu'elle a à faire. Oui. Elle produit les choses qu'elle a produites. Puis elle se fout bien de ce qu'on va. Mais nous, jusqu'à ma génération, disons, là, ou la génération d'avant avec Monsieur Gélinas, Monsieur Dubé, quand on produisait quelque chose, fallait penser à l'universalité. Mais tous les écrivains sont universels s'ils ont un peu de talent. J'avais dit ça à la télévision française une fois, puis l'animateur avait les yeux ronds. J'avais dit, un mauvais écrivain français n'est pas universel. Ouais. Je pense que j'y apprenais quelque chose, parce que pour eux, écrire, être français, c'est être universel. C'est pas vrai, c'était pas bon. Ouais. Personne va s'intéresser à ce que tu fais. Parlons de la réaction. On a beaucoup parlé de ceux qui ont été choqués par la réalité que vous montriez, par le joual, mais il y a autre chose. À côté de ça, il y a tout un paquet de monde, peut-être les plus jeunes, qui se disent, quand ils voient les belles-sœurs, enfin, on se reconnaît sur scène. Mais pas juste les plus jeunes. Je me souviens de Denise Pelletier, qui était venue voir le spectacle, qui était tombée dans les bras de Denise Filatois, après en disant, ma petite fille, quel beau rôle tu as eu, que c'est merveilleux, que j'aimais ça jouer ça. Il y a des gens qui comprenaient, mais il y a... Par exemple, pour le monologue du maudit cul, au deuxième acte, qui insultait beaucoup les hommes. Brassard avait... Il y avait des hommes tous les soirs qui se levaient, qui sortaient de la salle. Et Brassard avait dit à Denis, si un homme se lève, puis s'en va au bord du rang, puis s'en va, continue le monologue pour lui, dans sa direction à lui. Puis elle le faisait quand ça se produisait. Là. Ouais. Ça va faire le tour du monde. Et la première escale de votre pièce Les Belles-Sœurs à l'extérieur du Québec, ce sera Paris. En 1973. Je passe une excellente soirée, vraiment. Est-ce que vous connaissiez le théâtre québécois ou c'est la première fois? Non, c'est Marc Perron qui m'a fait venir et je suis vraiment contente. Et seulement un peu le cinéma et seulement un peu le chanteur Charles Bois, c'est tout. Pas du tout le théâtre. Et qu'est-ce qui est différent par rapport à ce que vous avez vu dans le théâtre français? Différent. Dans le théâtre français, on n'a pas le courage de faire un tableau aussi véridique de la vie. Et est-ce que la langue vous a gêné un peu? Un petit peu, oui. Je trouve que pour un Français, c'est un petit peu fatigant à suivre. Mais enfin, dans l'ensemble, j'ai bien suivi parce que j'ai un peu l'habitude du canadien, je dois te dire. C'est merveilleusement joué, c'est très beau, je trouve ça magnifique. Et la langue? La langue, ça ne m'a pas gêné du tout. Quel souvenir vous avez de cette production? Mais ça aussi, c'était naïf. Jean-Louis Barrault était venu deux ans avant, nous avait invités dans son théâtre. Je ne m'embarquais pas là-dedans, mais le gouvernement du Québec avait refusé... une subvention. On va quand même s'embarquer parce que ça aussi, c'était colonisé. Oui. Le gouvernement du Québec, la délégation du Québec voulait On avait offert une pièce en bon français pour remplacer les belles-sœurs et Mme Renaud et M. Barrault avaient répondu non, c'est pas ça qu'on veut. Ouais. On veut pas une pièce qui nous ressemble, on veut justement une pièce qui vous ressemble à vous. Alors, on s'est retourné vers Ottawa, ça a marché et on est allé naïvement. Nous autres, je sais pas comment dire ça, on pensait pas à la consécration. On s'en allait montrer aux Parisiens qui on était. Ouais. Très, très naïvement. D'abord, on était tellement énervés qu'on n'avait pas le temps de penser à l'effet que ça pourrait avoir. C'était tellement énorme. Quand on est arrivé à Paris, on avait 5 billets de vendus. Puis on était là pour 3 semaines. On était le jour où on est arrivé. Là. La première était pleine. On a joué la première devant, je sais pas, 400, 500 personnes. Le lendemain, il y en avait 16 en salle. Il y avait personne tant que... les critiques ont commencé à apparaître 2 jours plus tard. Et le premier jour, la première critique, on a rempli. Et là, ça n'a pas désempli, mais les gens ne pouvaient pas acheter des billets pour les belles-sœurs, ils ne savaient pas ce que c'était. Ouais. Et ça a été la première étape, je le disais, mais d'une longue... Vous attendiez-vous à ce que cette pièce-là circule autant? Non, soit traduite dans quoi, 40 langues? Oui, 35. 35. On va en enlever 5. Oui. Non, de toute façon, il ne faut pas penser à ça. Oui. Faut pas, surtout quand j'écris, surtout quand on écrit, faut pas penser à l'effet que ça pourrait peut-être avoir ailleurs. On l'écrit parce qu'on en a besoin, mais sinon, on va se prendre au sérieux, on va se censurer, justement. Ouais. Si tu penses à ce que ça va peut-être être joué à Singapour un jour, ça va peut-être arranger tes phrases pour qu'ils soient un petit peu plus françaises. Ou bon, faut pas se censurer, faut continuer à faire ce qu'on a à faire. 50 ans plus tard, Michel Tremblay, de quoi vous êtes le plus fier de toute cette aventure des Belles-Sœurs? Ma tête de cochon. Oui. D'avoir résisté autant aux bonnes qu'aux mauvaises critiques. Parce qu'une trop bonne critique peut être néfaste autant qu'une mauvaise critique. Ma tête de cochon m'a fait continuer à travailler malgré tout et m'a empêché de me prendre au sérieux. Je pense que je fais au sérieux, mais moi, je me suis jamais... J'ai une espèce de sens du ridicule et je trouve que les gens qui se prennent au sérieux sont tellement risibles et ridicules et je me moque tellement d'eux que je m'empêche. Au début de ma carrière, je me suis pris pour un autre un petit peu, là. C'est tout à fait normal. Ouais. T'es parachuté célébrité du jour au lendemain. C'est bien sûr que ça te monte à la tête un peu. Mais avec Brassard, on a compris très rapidement que ça servait à rien et que, surtout... Je suis content de jamais avoir été jaloux de ce qui arrivait aux autres. Je déteste les artistes qui haïssent tout ce qui se fait, sauf ce qu'ils font eux, qui est juste ce qu'ils font eux. J'ai continué à aimer ce que j'aimais, j'ai continué à haïr ce que j'haïs. Ouais. Par exemple, je continue à être très méchant avec les choses que j'aime pas, que je trouve pas intelligentes ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui continue, on termine là-dessus, Michel Tremblay, 50 ans plus tard, qu'est-ce qui continue de nous parler dans cette pièce-là, dans cette vieille pièce, les Belles-Sœurs? Je ne sais pas. Je pense que c'est justement la parole des femmes, les cœurs. Je pense que c'est une pièce de jeunesse. C'est vrai, Marcel de Silva avait raison. Il y en a trop, il y a trop d'affaires, mais c'est la grande qualité de cette pièce-là. Quelqu'un qui a tout mis, quelqu'un qui en a trop mis, il y en a trop, on pense qu'il y en a, ça va finir, puis il y en a encore. Et c'est ça qui est formidable, ces 15 femmes-là qui hurlent, qui crient, qui parlent en cœur, qui représentent un peuple au complet. Quand une personne fait un monologue, elle parle pour elle, mais quand il y en a 15 qui disent qu'ils sont malheureuses en même temps, bien, ça veut dire quelque chose de beaucoup plus puissant. Là, je pense que c'est ça. Et le fait que ce soit des femmes dans les pays, il y a beaucoup, beaucoup de pays. Ariane Mouchkine est en train de monter la pièce à Rio, par exemple, avec des femmes dans les favelas. Alors, c'est partout où il y a un milieu ouvrier, je pense que ces femmes-là existent. Michel Tremblay, merci beaucoup. C'est un bonheur, un honneur de vous recevoir. Merci. Ça me fait plaisir. Michel Tremblay, auteur, dramaturge, auteur évidemment des Belles-Sœurs, dont on souligne le 50e anniversaire cette année. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.